Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 74. Des 7 jours en général, ils ont suffi, sont-ils un seul jour? On en fait la revue. 1. Les jours indiqués sont-ils en nombre suffisant? Il est certain que ce n'était ni trop, ni trop peu, que 7 jours pour la création du monde. Il fallait, en effet, en distinguer les parties, et ensuite les orner. Or, la première partie, le ciel, distinguée le premier jour, fut ornée le quatrième. La partie intermédiaire, l'eau, distinguée le second jour, fut ornée le cinquième. La partie inférieure, la terre, distinguée le troisième jour, fut ornée le quatrième. Le septième jour, Dieu se reposa en lui-même de ses œuvres, et n'ajouta rien de nouveau à ce qui l'avait précédé. L'œuvre de création proprement dite consista dans la seule action de Dieu produisant la substance des choses à l'état informe, elle se fit dans un instant, avant un jour quelconque. C'est pour cela qu'elle est placée au commencement comme pour indiquer une œuvre indivisible. Saint Augustin ne craint pas même de mettre l'œuvre de création en dehors du temps. Vinrent ensuite les œuvres de distinction et d'ornement, qui consistèrent en un changement survenu dans la première création, changement mesuré par le temps, ce qui fait dire que chaque œuvre de distinction et d'ornement fut faite dans un jour. Les jours indiqués, on le voit, sont en nombre suffisant. 2. Tous ces jours ne sont-ils qu'un jour? Saint Augustin diffère, à ce sujet, des autres commentateurs. Pour lui, les 7 jours ne sont qu'un seul jour, représenté par cet ordre de choses. Voici le texte sur lequel il s'appuie, « Telle a été l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés le jour où le Seigneur fit le ciel et la terre, et tous les arbustes des champs, quand il n'y en avait pas sur la terre. » Genèse 2, 4. Les autres pères, appuyés, à leur tour, sur cette autre expression, du soir et du matin fut fait le premier jour, etc., pense, au contraire, que le monde a été créé en 7 jours bien réellement distincts, et non pas en un seul. Suivant saint Augustin, la succession des jours temporels indique seulement un ordre naturel connu des anges, à qui ils rapportent les mots lumière et jour. Selon les autres pères, il y eut un temps dans lequel la lumière n'existait pas, un autre temps dans lequel le firmament n'était pas formé, et ainsi du reste. Dans les deux sentiments, la matière exista, au moment de la première production des choses, sous les formes substantielles des éléments, mais les animaux et les plantes n'y parurent point. 3. Les expressions de l'Écriture sont-elles bien appropriées aux choses qu'elles rapportent? Nous allons répondre aux principaux arguments que l'on a fait à cet égard. Objection. Pourquoi n'est-il pas fait mention du Verbe de Dieu dans la création du ciel et de la terre comme dans les autres œuvres, où l'écrivain sacré s'exprime ainsi, Dieu dit? Réponse. Le Verbe y est indiqué comme principe par ses paroles, « Dans le principe, in principio, Dieu créa le ciel et la terre. » Telle est la réponse de saint Augustin. Objection, l'eau a été créée par Dieu, et cependant rien ne l'indique dans le texte sacré. Réponse, le moter comprend la matière informe de tous les corps. L'Écriture désigne communément sous ce terme les quatre éléments. Le ciel et la terre comprennent, dit saint Basile, tout ce qui est contenu entre ces deux extrêmes. Objection, D'où vient que Moïse n'a pas prononcé, après la formation du firmament, ces paroles, Dieu vit que cela était bon? Réponse, parce qu'à la formation du firmament commençait l'œuvre de la distinction des eaux, laquelle ne fut terminée que le troisième jour. Objection, convenait-il de dire que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux? Réponse, l'Esprit de Dieu n'était porté ni localement ni matériellement sur les eaux. Il ne faut voir dans ce texte que la désignation d'une puissance prédominante. L'Esprit Saint, nous dit Saint Basile, vivifiait les eaux comme la poule échauffée vivifie ses œufs en leur communiquant le principe actif de la vie. L'eau, en effet, ne possède-t-elle pas la vertu vitale? Un grand nombre d'animaux sont engendrés en elle. La vie spirituelle elle-même est donnée par l'eau du baptême. Objection, que peuvent signifier ces expressions? Du soir et du matin fut fait le premier jour, le second jour? Réponse, le soir et le matin sont placés là comme les limites du jour. On met le soir avant le matin, observe Saint Jean Chrysostome, parce que le jour naturel se termine le matin, et non pas le soir. Note. À la fin de ce traité de l'œuvre des six jours, il est à propos, ce nous semble, de dire un mot des sciences géologiques et de leur rôle au XIXe siècle. Il ressort de tout ce qui précède que la signification des mots jour, nuit et firmament n'a jamais été bien déterminée. La longueur des jours de la création ne l'est pas davantage. Quoique saint Thomas n'examine point positivement si ce sont des jours ordinaires ou les périodes d'un temps plus ou moins long, on voit qu'il ne s'oppose pas à l'opinion qui semble, de nos jours, réclamée par la géologie, à savoir, que ce sont des époques indéterminées, et que le globe terrestre, avec ses plantes et ses animaux, est beaucoup plus ancien que le genre humain. Si nous faisons cette observation, c'est que la plupart des géologues modernes, tout en reconnaissant que la structure des roches sédimentaires indique qu'elles ont été formées sous les eaux et que les fossiles y ont été ensevelis à la suite de quelques bouleversements, ne veulent pas attribuer ces phénomènes au déluge. Quelques-uns vont jusqu'à prétendre que les observations de la science ne paraissent pas pouvoir concorder avec l'ordre des créations indiqué par Moïse dans l'œuvre des six jours. Pour la formation des anciens terrains, dit ces derniers, il a fallu des siècles nombreux, peut-être même des millions d'années avant la venue de l'homme sur la terre et avant l'ordre de choses actuelles. Et il rejette ainsi la formation des êtres qui constituent le monde géologique à une époque bien antérieure au premier des jours génésiaques. Sans prétendre ni détruire, ni appuyer leur théorie, nous devons dire, pour la consolation des cours catholiques, qu'aucun système de géologie ne saurait contredire la Bible, et que la religion laisse à leur sujet toute liberté d'opinion. D'abord, la géologie pourra-t-elle jamais déterminer avec certitude les effets qui sont résultés du déluge, dont elle admet la réalité, lorsque, comme le dit M. Frayssinou, ces effets ont dû être pour le moins aussi extraordinaires que la cause qui les a produits? Nous dira-t-elle avec précision les transformations particulières que la Terre a pu subir, soit avant, soit après ce grand cataclysme? Ensuite, connaît-elle la longueur des jours de la création? Sait-elle juste si, à l'origine des choses, l'action divine sur les éléments, ou simplement l'action de la nature sous une autre atmosphère et dans des conditions différentes, n'a pas hâté la formation de certains terrains ou n'en a point dérangé plusieurs, soit pendant l'œuvre des six jours, soit depuis? Dieu ne s'est-il point plu à tromper ainsi la sagesse humaine? Disons de plus que si les sciences géologiques croyaient avoir constaté des faits qui dussent remonter à des temps antérieurs aux premiers des jours bibliques, on ne trouve rien dans la Genèse qui s'oppose à leurs théories imaginaires ou réelles. Car, nous l'avons vu, la Genèse elle-même suppose une création primitive qui a été antérieure à l'apparition de la lumière, et le docteur Angélique, d'accord avec les pères, nous enseigne qu'entre cette création première et le premier des six jours, il s'est écoulé un temps dont personne ne saurait fixer ni la durée, ni la mesure. Moïse, qui écrivait pour l'homme, n'a-t-il pas pu résumer la création de l'univers tout entier, esprit et matière, dans ces mots, « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre », et se borner ensuite à consigner d'une manière spéciale les faits qui, par leur rapport avec l'homme, nous offraient un intérêt plus prochain? De cette manière on peut regarder l'œuvre des six jours comme le dernier chapitre d'une histoire qui en suppose plusieurs autres, dont nous n'étions pas l'objet immédiat. Rien n'empêche de voir dans les faits que la géologie croit avoir constaté, des événements qui ont précédé le premier jour biblique, puisque l'on est en droit de supposer qu'entre le premier instant de la création et le premier des jours mosaïques, il s'est écoulé un très grand nombre d'années, et même, si l'on veut, des millions d'années. Après avoir ainsi donné satisfaction à certaines écoles géologiques du XIXe siècle, hâtons-nous de citer ces paroles de Cuvier. Moïse nous a laissé une cosmogonie dont l'exactitude se vérifie chaque jour d'une manière admirable, et les écoles géologiques récentes s'accordent parfaitement avec la Genèse sur l'ordre dans lequel ont été successivement créés tous les êtres organisés. Les derniers travaux de plusieurs savants, et spécialement messieurs Constant Prévost et de Blainville, peuvent servir à prouver que les faits géologiques ont pu s'accomplir dans le nombre de siècles indiqués par la chronologie mosaïque. La science la plus avancée autorise donc l'interprétation la plus littérale de la Genèse, ainsi que l'a démontré M. l'abbé Maupier, avec une grande supériorité de talent, dans son cours de physique sacrée, professé à la Sorbonne de 1845 à 1848. C'est ainsi que, selon les belles expressions de M. Nicolas, semblable à un monument gigantesque placé au centre d'une vaste forêt et qui se présente toujours au bout de toutes les avenues, la parole de Moïse se trouve être le terme et le dernier mot de toutes les branches de la science moderne à son plus haut point de développement. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.